vu qu'un rappeur se doit de parler, que ce soit bien ou mal. Get up, get up, get up. Ça va dans les deux sens. Get up, get up, get up. Elle est douce, verte, et nous fait planer. Elle a un grand succès ces dernières années. Elle sera toute heure, allumeuse, le buzz convoité chez les fumeuses. Elle pousse, belle, à toute saison. On la sent arriver comme cette odeur dans la maison. Elle provoque la perte, pour d'autres la raison. Elle fait tourner la tête. Je la connais par cœur, je la connais par cœur. Elle m'a suivi, oui, depuis mon premier parcours. Si je pars de ce monde, dis-lui que je la déteste. La vie m'a bien élevé sans jamais trouver de prétexte. Non, je déconne, ouais, je perds le nord. Autant vivre à deux, mais tu me fais du mal encore. On dit que le bruit remporte et que le silence répare. Juste un peu de musique, je te ferai l'amour en rappant. We on se dun dun dun. We on se dun dun dun. Elle est blanche, forte, apparemment discrète. Elle aime le monde de la nuit et la bande disquette. Elle coûte un peu cher, aime les riches et les pauvres. J'ai peur que mon prof fasse la même à l'école. Elle est souvent drôle, ramène beaucoup de drame. Elle arrive de loin, après plusieurs escales. Elle a fait le tour du globe, a tué sans dire stop. Éliminée du monde avec l'argent comme escorte. Elle parle toutes les langues, connaît la moitié. Allez santé ou viva la liberté. Déconcerté, folle égocentrique, faut bien l'accepter, tout devient sordide. Oui, on se donne, donne, donne. Oui, on se donne, donne, donne. Oui, on se donne, donne, donne. Oui, on se donne, donne, donne.